fonction. Input, alors c'est quoi input, output, je sais pas. Entrée ou sortie? Entrée, input. L'interne, c'est une in, c'est un micro qui va dire. In, mais qui va à où ça va? Non mais va à fond. Thank you. les humains. Tu te rends compte sur ça qu'ils sont ninja. Kevmore, come on. Get me more. Non, on mange pas. Eh ben, tu manges pas le pain. Ben non, en plus, Titi, lui dit que je passe un régime, que je perds beaucoup de kilos, donc voilà. Ok, Kevmore. Caillou, qu'est-ce que tu envoies? J'entends rien. De quoi? Qu'est-ce que tu fais avec tes lunettes à la main? Ah, il promène une araignée, non mais faut voir. Tu l'as branché, mais je peux pas emmener le câble. Hein. 6 heures? Non, il n'y a pas 6 heures, il y a 4. Hein. Oui. Non, non. Bon, alors c'est bon. Alors donc c'est bon. Donc ta pile, elle suffira. Tu peux t'énerver. Ok, je vais me coucher. Tu le mets dans ton couloir, en plus, ça fait un outil, salut. Tu l'as pas branché, la soirée. Non, j'ai pas. Enfin, à un moment, j'avais branché, par exemple, je me suis chier dans la chaise, j'ai mis dans mon lit. Bien sûr, tu viens laisser pas passer les filets. C'est cool. Bon, alors, Chacha change. Bah, attends, bon, I need to go attends, to bed. Tu dois reprendre la fille, attends, attends. Alors, attends. Tu changes juste de PC, dis-toi, dans deux secondes, dans le joueur. Ah oui, je l'avais en bas. Attends, ils me foutent en masse, je dors dans la cave, au secours. Au secours. Hey! I need somebody help! Parce que tu veux causer aussi avec celui-là alors, merde, disconnecté. Bah oui, on a disconnecté, c'est que t'as fermé. Hein. Il y a Caillou, il est mort de rien. Quel bordel! Il sait pas, mais ça fait déjà un jour. Bon, alors attends, Caillou, ça fait deux jours qu'il me supporte. Tu comprends? Il faut comprendre. Là, pas deux jours, je suis arrivé hier après-midi, je te signale. Un jour et demi. Mais que dalle, reste-le la bouteille. PC. Je peux emmener la bouteille. Regarde, il n'y en a plus. Il n'y a pas un petit séparateur, machin. Ouais, ça doit être rude. Petit con, là. J'en entends une autre. Attends, je reviens. Je reviens avec. Attends, Il faut une pour le voilà, c'est